Le bruit du ressac. Le bruit des ressac. Rivières. Des rivières. Au loin. Au loin. Les chants, des, chants oiseaux, des oiseaux. Des grillons. La chaleur enveloppante de l'astre solaire. La chaleur enveloppante de l'astre solaire. La poussière balayée, par, balayée le par le vent. La lumière inonde le village. La lumière inonde le village. Le bruit de pas. La mouvance des visages. Le désir, le musardé dans l'imprévu. Le bruit de l'eau de nouveau glissant silencieusement le sur le tout nouveau. La mouvance des visages. La voix qui s'élève. Le chant de la nuit. Puis porté aux quatre coins du ciel, aux quatre coins du ciel, vertige d'écrire, vertige d'écrire.